بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ما بعد. Donc on continue la lecture ainsi que la traduction de l'explication de l'Umat al-Atiqad al-Hadi ila Sabili al-Rashad, un livre de l'imam Ibn Qudam al-Maqdisi, et une explication du Cheikh Salih al-Fawzan, qu'Allah le préserve. Donc la semaine dernière on avait vu on avait terminé de citer les hadiths qui prouvent l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala au-dessus des cieux, et que c'était l'unanimité des salafs radiyallahu anhum, et que les salafs dans leur généralité ne rejetaient pas des hadiths qui parlaient des noms et attributs d'Allah, ils ne les interprétaient pas, ils ne le faisaient pas ressembler à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'imam Ibn Qudam al-Maqdisi dit: سئل مالك بن أنس الإمام رحمه الله رضي الله عنه فقيل يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ فقال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ثم أمر بالرجل فأخرج. Et l'imam Ibn Qudam al-Maqdisi a dit, et Malik ibn Anas, l'imam, qu'Allah lui fasse miséricorde, a été questionné, et il lui a été dit, ô Abu Abdillah, qui était la cunia de l'imam Malik, rahimahullah, ô Abu Abdillah, le tout miséricordieux qui est établi au-dessus de son trône, comment est-il établi? Il a dit, l'établissement n'est pas inconnu. Le comment n'est pas concevable, et la foi, c'est-à-dire en cet établissement, est obligatoire, et le fait de questionner sur ce comment est une innovation. Puis il a ordonné à ce que l'homme soit exclu de son assemblée. قال الشيخ الفوزان هذا الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة وهو أحد الأئمة الأربعة رحمهم الله. هذا العالم الذي تضرب إليه آباط الإبل في المدينة عالم مشهور الذي قيل فيه لا يفتى ومالك بالمدينة. لما سأله رجل وهو في الدرس قال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ فقال الإمام مالك رحمه الله الاستواء معلوم، وفي رواية الاستواء غير مجهول، يعني غير مجهول المعنى، والرجل لم يسأل عن المعنى وإنما سأل عن الكيفية، يقول كيف استوى، والإمام مالك يقول ما لنا دخل إلا في المعنى، والمعنى غير مجهول، والحمد لله معناه معلوم، وما دام المعنى معلوما فهذا الذي يقصد من اللفظ فالمعنى غير مجهول حتى تسأل عنه. وكان المفروض أنك تسأل عن المعنى إذا كنت لا تعرف، فنحن نوضحه لك لأنه غير مجهول. أما السؤال عن الكيفية فهذا غير معقول، ولا يجوز السؤال عن الكيفية لأن كيفية أسماء الله وصفاته لا نعلمها. Donc Cheikh Fawzan dit, en expliquant la parole de l'imam Malik rahimahullah, c'est l'imam Malik ibn Anas, l'imam de la terre d'Égypte, de la terre de l'émigration qui est Médine, et il fait partie des quatre imams les plus réputés. Ce savant que يعني تضرب إليه آباط الإبل في المدينة يعني tous les gens, beaucoup de gens voyageaient en direction de Médine pour apprendre de cet imam, pour apprendre de cet imam réputé. الذي قيل فيه, et il a été dit sur cet imam, la yufta wa malikun bil madina, personne ne donne de fatwa lorsque Malik est à Médine, lorsque Malik est à Médine. Et ainsi étaient les salaf rahimahumullah, lorsque il y avait un grand savant, personne n'avait le droit de faire une fatwa lorsque ce savant était présent. Et c'était la même chose pour Ata ibn Abi Rabah. Qui était Ata ibn Abi Rabah? Personne ne connaît. Qui était un tabi'i, un des grands parmi les tabi'in, et c'était le plus grand élève de Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu, et Ata ibn Abi Rabah était un savant illustre, et pendant la période du Hajj, car il est à la Mecque, personne n'avait le droit de faire de fatwa ou Ata fi Mecca. Personne n'avait le droit de faire de fatwa pendant le Hajj si Ata ibn Abi Rabah était présent. Même les gouverneurs, lorsqu'ils venaient et qu'ils avaient des questions à poser, ils allaient les poser à Ata ibn Abi Rabah radiyallahu anhu wa rahimah. Donc, point de fatwa lorsque Malik est à Médine. Et lorsqu'un homme l'a questionné durant son cours, il a dit « Ô Abu Abdillah, le tout miséricordieux qui est établi au-dessus de son trône, comment est-il établi ?» Et l'imam Malik rahimahullah a dit: l'établissement est quelque chose de connu. Et dans une autre version, l'établissement n'est pas inconnu. C'est-à-dire, le sens n'est pas inconnu. On sait tous ce que veut dire le mot établi. وَالرَّجُلُ لَمْ يَسْأَلْ عَنِ الْمَعْنَى. Et l'homme n'a pas questionné sur le sens, mais il a questionné sur le comment. Il a dit, comment est-il établi? Et l'imam Malik lui a dit: nous ne pouvons intervenir que dans le sens, car le sens n'est pas inconnu. Alhamdulillah, le terme istawa, son sens est connu en langue arabe. Wa madama al-ma'na ma'louman fa hadha alladhi yuqsadu min al-lafz. Et à partir du moment où le sens de istawa est connu, c'est le sens qui est voulu. كان المفروض أنك تسأل عن المعنى. Et l'imam Malik, يعني الشيخ فوزان, explique en disant que l'imam Malik, يعني voulait dire par là à cet homme que tu dois normalement questionner sur le sens si tu ne le connais pas, afin qu'on te l'explique, car c'est quelque chose de connu. Mais de demander le comment, ceci n'est pas concevable, et il est interdit de poser cette question, car le comment des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous ne les connaissons pas. قال الله جل وعلا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما نحن لا نحيط بالله جل وعلا بذاته وبأسمائه وصفاته هذا لا يعلمه إلا الله لا أحد من الخلق يعلم كيفية ذات الله وأسمائه وصفاته لا نعلم ذلك إلا لا يعلم ذلك إلا الله وذلك لعظمته. الله عز وجل dit, il sait ce qu'il y a avant eux, c'est-à-dire dans le passé, وما خلفهم, et ce qu'il y a, bima edihim, ce qu'il y a dans le futur, wa ma khalfahum, ce qu'il y a dans le passé, wa la yuhituna bihi ilma, quant à eux, ils ne le cernent pas dans la science. C'est-à-dire que nous ne cernons pas Allah subhanahu wa ta'ala, nous n'avons pas de science sur le comment de son essence, de ses noms, de ses attributs. C'est une chose que seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît. الكيف غير معقول لنا يعني لا تدركه عقولنا فليس من حقك أن تسألنا عن الكيف لأنه ليس بإمكاننا أن نجيبك لأن هذا لا تدركه عقولنا. L'imam Malik a dit, الكيف غير معقول, le comment n'est pas concevable, c'est-à-dire que nos cerveaux, nos raisons ne perçoivent pas le comment des attributs et des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, et tu n'as pas le droit de nous demander le comment, car nous n'avons pas la possibilité de te répondre. ثم قال الإيمان به واجب الإيمان بها بالاستواء على معناه دون التعرض لكيفيته أمر واجب على كل مسلم وعليه التسليم والانقياد. Puis l'imam Malik a dit, et le fait d'y croire, c'est-à-dire en l'établissement d'Allah au-dessus de son trône, est une obligation, c'est-à-dire est obligatoire de croire en cet établissement selon le sens connu en langue arabe, sans se préoccuper ou sans s'exposer ou à essayer de comprendre le comment. Tu dois croire, et tout musulman, il est obligatoire pour chaque musulman de croire et de se soumettre. والسؤال عنه, et de poser une question à son sujet, c'est-à-dire de poser la question comment est-ce qu'Allah s'est établi, لأن السائل سألنا عن الكيفية car l'homme a demandé le comment, n'a pas demandé le sens. Le fait de poser cette question est une innovation. وأهل الضلال يقولون المعنى يجب تفويضه بل هو هذا باطل. الإمام مالك ما قال هذا إنهم يكذبون على الإمام مالك يكذبون على الإمام مالك. الإمام مالك وضح رحمه الله ذلك قال الاستواء غير مجهول حتى يحتاج إلى سؤال والكيف غير معقول فلا يجوز السؤال عنه والإيمان به أي بالاستواء لفظا ومعنانا ومعنى واجب والسؤال عنه أي عن الكيفية بدعة لأن الرجل سأل عن الكيفية ولم يسأل عن المعنى. Et les personnes égarées disent que le sens nous devons le remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Certains prétendent que l'imam Malik voulait dire que le sens on le remet à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on ne connaît pas. On connaît le mot mais on ne sait pas ce qu'il veut dire, et le sens on le remet à Allah. Al-Sheikh Al-Fawzan dit ceci est faux, l'imam Malik n'a pas dit cela, il ment sur l'imam Malik. L'imam Malik a expliqué en disant que al-istiwa ghayru majhoul, que l'élévation n'est pas inconnue, c'est-à-dire que son sens est connu. C'est-à-dire qu'il n'est pas inconnu au point de demander son sens. Et le comment n'est pas concevable. C'est-à-dire qu'il est interdit de poser la question sur le comment et il est obligatoire d'y croire. C'est-à-dire de croire au terme et au sens de l'estiwa. Et de poser une question sur le comment est une innovation. ثم قال للرجل ما أراك إلا رجل سوء فأمر به فأخرج من الحلقة. وهكذا يجب على العلماء أن يبعدوا مثل هؤلاء المشككين الذين يريدون إثارة الشكوك عند الناس ويطردوهم حتى يتأدبوا حتى يخترزوا أمام الناس. أمر به فأخرج من حلقته ولأنه لم يأتي من أجل التعلم وإنما جاء من أجل التغليظ والمغالطات والمغالطات. السؤال له حدود ما كل شيء يسأل عنه إنما يسأل عن ما على ما أشكل مما يحتاجه الناس من أمور عباداتهم وأمور معاملاتهم. السؤال عن هذا محمود فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Puis l'imam Malik a dit à cet homme: je vois en toi un homme mauvais. Il a ordonné qu'il soit exclu de son assise, et ainsi est le devoir des savants. Ils doivent éloigner de leurs assises ceux qui viennent semer des doutes, ceux qui viennent pour poser des questions afin de mettre des doutes chez les gens. Ils doivent les exclure afin de les éduquer et qu'ils soient humiliés devant les gens. L'imam Malik a alors ordonné qu'il soit exclu de son assise, car cet homme n'est pas venu pour apprendre, mais il est venu pour contredire et pour mettre des doutes de mettre des doutes chez les gens. La question a donc des limites. On ne pose pas des questions sur tout, mais on pose des questions sur les choses qui sont problématiques et dont les gens ont besoin dans leurs adorations ou dans leurs transactions. Il est recommandé de poser la question quand c'est une question qui est justifiée. Allah Azza wa Jalla a dit: demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. أما السؤال عن الأغاليط عن الأشياء التي لا حاجة للناس بها وإنما هي من باب التكلف وإشغال الوقت والتضليل والتشويش على الناس فهذا السؤال محرم يجب الكف عنه والتعزير Quant à poser des questions sur des erreurs ou sur des choses dont les gens n'ont pas besoin et dont les gens peuvent se passer, mais des questions qui sont posées pour occuper le temps ou pour égarer ou pour semer des doutes dans l'esprit des gens, ce sont des questions interdites qu'il est obligatoire de s'abstenir et de réprimander ceux qui posent ce genre de questions. Comme l'a fait Omar بصبيغ الذي كان يسأل عن أشياء من متشابه القرآن ليس الناس بحاجة إليها فضربه عمر وطرده من المدينة كما في عمر avec الصبيغ qui demandait sur qui posait beaucoup de questions sur les versets ambigus du Coran ليس للناس بحاجة إليها les gens n'avaient pas besoin de ces questions. Omar ibn al-Khattab l'a frappé et l'a exclu de Médine. Et Sabir était connu pour ça, pour poser des questions sur les versets équivoques. Il ne les a pas posés d'ailleurs qu'à Omar, mais à d'autres compagnons. Et il n'hésitait pas à poser les questions lorsque Omar était sur le minbar et qu'il s'adressait aux gens. Et si je me rappelle bien, les questions qu'il lui posait, qui est la plus réputée, c'est Surat al-Dhariyat. والذاريات ذروة والحاملات وقرا إلى آخر السورة. Il posait des questions sur Surat al-Dhariyat et Omar al-Khattab lui répondait normalement. Que signifie الذاريات? Que signifie الذاريات ذروة والحاملات وقرا إلى آخر. Et Omar al-Khattab répondait à ces questions parce qu'il n'avait rien à cacher, mais n'appréciait pas que systématiquement cet homme posait des questions sur des versets équivoques et que son but n'était pas d'apprendre mais de semer des doutes dans l'esprit des gens. Et des personnes comme celle-ci, il faut faire comme l'a fait Omar al-Khattab et comme l'a fait l'imam Malik, de les exclure, et si le gouverneur a la possibilité, de les éduquer. فهؤلاء الذين يسألون مثل هذه الأسئلة التي لا حاجة للناس إليها أو تشوش أو تشوش أو تشوش عقائدهم أو تشككهم في أمور دينهم هؤلاء يجب أن يوقفوا عند حدهم. والإمام مالك طرد هذا الرجل من حلقته تأديبا له وحماية لطلبة العلم من شبهاته وتشكيكاته. والصحابة لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الهلال لماذا يبدو صغيرا ثم يكبر ثم يكبر ثم يتكامل ثم ينقص, الله جل وعلا أجابهم بغير ما سألوا عنه فقال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. هم سألوا عن حقيقتها وهو سبحانه وتعالى أجابهم عن فوائدها وأن هذا الذي ينبغي السؤال عنه. الإمام مالك رحمه الله a donc exclu cet homme de son assise pour l'éduquer et pour protéger ses élèves de ses ambiguïtés et de ses doutes. Et les compagnons du professeur sallam, lorsqu'ils ont questionné le professeur sallam sur la lune, pourquoi est-ce que la lune apparaît petite, puis augmente, grandit, jusqu'à devenir complète, et ensuite rediminue? Et Allah Azza wa Jal leur a répondu, mais a répondu à la question qu'ils n'avaient pas posée. Allah Azza wa Jal a dit, يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ. Il te questionne, il t'interroge au sujet des nouvelles lunes. Dis, elles servent aux gens pour compter le temps et aussi pour le hajj. Allah Azza wa Jal a dit, dis-leur, elles servent, c'est-à-dire les lunes, les pleines lunes, à compter le temps. On sait que entre deux croissants de lune, il y a l'équivalent de quoi? Quand le croissant apparaît, qu'il est tout petit, et qu'ensuite on le revoit, il apparaît, il est tout petit. Combien s'est écoulé? Un mois. Quand il est tout petit, la lune ensuite est pleine, et ensuite elle rediminue. Et lorsqu'elle rediminue jusqu'à apparaître un petit peu, c'est là où le mois est écoulé. Et Cheikh Fawzan dit, eux, ils ont questionné, c'est-à-dire les compagnons, sur pourquoi est-ce que la lune est petite, ensuite elle devient pleine et ensuite elle rediminue. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur a répondu sur les bienfaits et de ce que l'on peut retenir de ces pleines lunes. Et Allah Azza wa Jal a répondu de telle sorte pour exhorter les gens à savoir que ce n'est pas sur le comment qu'il faut poser la question, mais c'est surtout sur ce que l'on peut en tirer. Et que c'est la question qui aurait dû être posée. أما السؤال عن حقيقة الشيء وكيف وكيف هذا ليس للناس فيه مصلحة ولذلك أعرض عن جوابهم لما سألوا وأجابهم بجواب آخر قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. Quand t'as questionné sur le comment, sur comment est telle ou telle chose, ceci les gens n'ont pas beaucoup de bénéfices à tirer de ce genre de questions. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal s'est détourné de la question qu'ils ont posée et leur a donné une réponse autre en leur disant « Dis, c'est-à-dire dis au professeur, dis au Muhammad, c'est, elles servent aux gens pour compter le temps et aussi pour le hajj. » Et il ne fait pas partie de la bonté de rentrer dans les maisons min zuhuriha, de derrière, mais la bonté, mais la bonté c'est de craindre et entrer dans les maisons par leurs portes et craignez Allah afin que vous connaissiez la félicité. قالوا هذا فيه أنه ينبغي السؤال عما الناس بحاجة إليه في حاجة إليه وأن هذه الأبواب التي ينبغي أن يدخل منها طالب العلم لا يأتي البيوت من ظهورها يدخلها من السطوح أو ومن تسلق الجدران وهذا مثل من يسأل عما لا حاجة إليه أو فيه كلفة وفيه تشكيك أو تشبيه مثل الذي يأتي البيت من سطحه ويتكلف وأما الذي يفتح الباب ويدخل أو يستأذن على أهل البيت ويدخل فهذا يأتي البيوت من أبوابها. Cheikh Fawzan explique ensuite, donne les explications de ce verset. Lorsqu'Allah Azza wa Jal a parlé de la bonté c'est le fait de ce n'est pas le fait d'entrer dans les maisons par derrière, mais c'est de rentrer, au contraire, dans les maisons par leur porte. Et Cheikh Fawzan dit, certains savants ont dit, cela signifie que les gens doivent poser des questions sur ce dont ils ont besoin. Et c'est de ces portes-là par laquelle doit rentrer l'étudiant en sciences. Et de ne pas rentrer dans les maisons par derrière ou de rentrer par le toit ou de rentrer en longeant les murs ou en grimpant les murs. Ceci est comparable à celui qui demande ce dont il n'a pas besoin ou celui qui demande pour semer des doutes. Celui qui demande pour semer des doutes est comparable à celui qui entre dans une maison par le toit ou en essayant d'escalader un mur. Quant à celui qui ouvre la porte, entre et demande la permission aux gens de la maison, il entre, هَذَا يَأْتِي الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا. Celui-ci entre dans les maisons par leurs portes. Et la science est ainsi. فَالْعِلْمُ كَذَلِكَ لَهُ أَبْوَابٍ يَنْبَغِي سُلُوكُهَا لِمَنْ يُرِيدُ طَلَبَ الْعِلْمِ. Et la science est ainsi. Elle a des portes que l'on doit traverser pour celui qui désire apprendre la science. Autrement dit, lorsque tu vas apprendre la science, il y a un art, il y a des règles à respecter pour acquérir cette science. Et si tu essayes de rentrer dans une maison par le toit ou d'acquérir la science comme quelqu'un qui essaye d'entrer dans une maison par le toit, qu'est-ce qu'il risque de faire ? Il risque de tomber. Celui qui rentre dans une maison par le toit risque de tomber. Pour cela que les savants disent, celui qui veut la science d'un coup, elle partira d'un coup. Celui qui veut tout apprendre, qui veut devenir un savant du jour au lendemain, il va produire des efforts, il va être en face de difficultés qui vont le faire dégoûter de la science. Et ensuite, tu auras beau venir après lui parler de la science, il ne voudra plus en entendre parler. Parce qu'il aura dépensé une telle énergie, il aura fait face à de telles difficultés. Pourquoi ? Car il n'avait pas les bases. Il a voulu apprendre des choses qui étaient complexes en n'ayant pas les bases. C'est normal que tu vas trouver ça difficile et que tu vas trouver ça incompréhensible et que tu vas mettre tous tes efforts parce que toi, ton but c'est de devenir savant le lendemain. Tu vas donner tous tes efforts pour essayer de comprendre, mais tu ne comprendras pas. Et tu vas dire, et ensuite, en finale, que vas-tu te dire? C'est pas fait pour moi. La science, c'est pas fait pour moi, c'est bon. Je vais aller travailler de mes propres mains ou je vais aller faire un travail manuel. Ça me réussit plus que la science. Alors que si cette personne était entrée dans la science par sa porte, aurait appris les bases et au fur et à mesure du temps, sa science aurait accru et les bases auraient été fermes et solides et il aurait augmenté jour après jour, aurait appris jour après jour jusqu'à atteindre un niveau raisonnable, inshallah. Donc, waqila, il a été dit, inna ma'an al-aya annahum kanu fil jahiliyati idha ahramu la yadkhulun al-buyuta min al-abwab وهم محرمون بزعمهم وإنما يأتون البيوت من ظهورها فالله نهاهم عن هذا الفعل وبين أنه لا حرج أن يدخل الإنسان من الباب وهو محرم ولا يتنافى هذا مع الإحرام وإنما هذا من التكلف الذي ما أنزل الله به من سلطان. Et l'autre explication à ce verset, il a été dit que le sens de ce verset signifie que autant avant l'arrivée de l'islam, car ils faisaient le pèlerinage avant l'arrivée de l'islam, lorsqu'ils étaient en état de sacralisation, ils n'entraient pas dans les maisons par leurs portes, car ils étaient en état de sacralisation, mais ils rentraient dans les maisons par derrière. Et Allah Azzawajal leur a interdit de faire ceci, et il a expliqué qu'il n'y avait pas de mal à entrer dans les maisons par leurs portes, même en état de sacralisation. Et que le fait d'entrer dans une maison par la porte en état de sacralisation n'était pas contradictoire avec cet état de sacralisation. Mais c'est ce quelque chose que les gens se sont forcés à faire et qu'Allah Azza wa Jal n'a pas révélé. وَمِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ الْآنْ مَنْ إِذَا أَحْرَمَ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ سَقْفٍ وَلَا يَرْكَبُ فِي سَيَّارَةٍ مَسْقُوفَةٍ وَإِنَّمَا يَكْشِفُ السَّيَّارَةَ وهذا من جنس هؤلاء والنبي صلى الله عليه وسلم ظلل عليه بالثوب وهو محرم وهو يرمي بالجمرة وضربت له قبة في نمرة ونزل فيها وهو محرم عليه الصلاة والسلام ولم يمتنع من الاستظلال بالخيمة ومن التظليل عليه بالثوب وهو محرم وهذا من تيسير الله جل وعلا. Et parmi des innovateurs à notre époque, lorsqu'ils sont en état de sacralisation, ils ne rentrent pas dans les endroits couverts. Ils n'entrent pas dans des voitures où il y a des toits, mais ils ouvrent le toit de la voiture ou soit ils montent sur la voiture. Et ceux-ci sont comparables aux autres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a mis un vêtement au-dessus de lui pour le protéger du soleil lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lapidait les stèles alors qu'il était en état de sacralisation. Les compagnons ont pris un vêtement et l'ont mis au-dessus de la tête du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le mettre à l'ombre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été monté une tente, un amira, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré dans cette tente alors qu'il était en état d'ihram. C'était le jour de Arafat. Et le jour de Arafat, tout le monde est en état de sacralisation. Et le prophète sallam ne s'est pas refusé à être sous l'ombre de cette tente, ni à être sous l'ombre de ce vêtement lorsqu'il était en état de sacralisation. Et ceci est une facilité de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Hasil, en résumé, أن هذا الرجل الذي سأل مالكا عن الكيفية هذا يسأل عما لا فائدة منه ولا حاجة إليه ولا تبلغه العقول وينبغي أن يتقاصر الناس عنه وإنما كان الواجب أن يسأل عن معنى الآية الرحمن على العرش استوى ما معنى استوى فيكون الاستواء معلوما يبين له معنى الاستواء وأنه علو الله جل وعلا على عرشه وارتفاعه على عرشه سبحانه وتعالى. Donc en résumé, cet homme qui a questionné Malik sur le comment de l'établissement d'Allah au-dessus de son trône, il a demandé ou il a posé une question où il n'y avait pas de bénéfice, et une question dont les gens n'avaient pas besoin. Et c'est une question que les raisons ne peuvent pas, auxquelles les raisons ne peuvent pas répondre. Et il est du devoir des gens de s'abstenir de ce genre de questions. Mais il aurait dû questionner sur le sens du verset Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa. Quel est le sens de stawa? Et fayakunu al-istiwa ma'louman. Et la réponse aurait été que l'istiwa, l'établissement au-dessus, l'établissement est quelque chose de connu. Et il lui aurait été montré le sens de l'istiwa, qui signifie l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala au-dessus de son trône. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.